plus qu'ailleurs. Je pense plus ailleurs. Mais de quoi tu parles, mon frérot, je suis comme je suis. Épreuve sur épreuve, à croire que je maudis. Tu dis, tu parles mal, qu'est-ce que tu sais de nos vies? Viens, on fait la teinte, si ça fait sourire ton petit. Tu me chauffes pour qui? J'ai fruit sur mon booty. Je dors sur mon pédo, ma gadi, mon outil. Cousin, j'ai morti, tu veux choquer, c'est forti. Faut bien que je mette le plein, le singe, roule en Audi. Je mets drôle, y'a ma 1, 46 aussi. Ce qui disent, ils vivent pas, ils me font les grossistes. On ne manque le bar, y'a pas d'en négocier. Bébé m'en veut pas, je déguste la vie aussi. Bah, bah. Que je sois plus sur terre. A force d'être solidaire, j'ai fini solitaire. A force d'être solidaire, j'ai fini solitaire. Je redis dans les alentours. Je cherche les pas en cours. Je peux faire 200 par jour. Putain, putain de parcours. Putain, putain de parcours. Tu veux du buzz, faut taffer, faut oser. Et celui qui t'a à côté, passager. Je lui dis que je l'aime quand c'est plus du rosé. Du rosé. Fais pas le vaillant, change pas, tu vas glisser. Oh le bâtard, il t'a niqué, c'est la risée. Alcoolisé, fond d'orthographe, normal dans mes poésies. Je ferai jamais la star, je suis trop ghettoisé, ghettoisé. J'arrivais de nulle part, je suis sorti du mur. Jamais fait le suceur dans les locaux du maire. Je suis encore là, ces bâtards, ils m'avaient vu mort. Je me suis mis dans ma bulle, les hypocrites, j'en ai eu marre. Je pourrais sonner en Hummer ou en dernier Lamborghini. Je suis tombé amoureux de la gadi sans l'avoir piné. Je suis avec ma Tokyo, posé dans le maquillot. Je suis resté moi-même, tu peux me croiser dans les restes ou la Clio. Je me vois pas briller, besoin de partir loin crier. Fais du buzz, fais des soins, jour tu vas finir par trier. On parle pas de trahison, nous les traites, nous les haïssons. Ça chante, après ça pleure que ça se retrouve dans des bails sombres. Ce soir j'oublie tout, avance t'es la crise. Fallait que je fasse ma trace, que je change mon adresse. Sans traceur je trace, laisse-moi loin de la presse. Que tout soit ta graisse. Sur scène j'mets le feu, cocktail molotov. Une balle dans le coffre, le signe joule sur la toffe. Disque d'or, de la beut, de l'illicite dans la cave. Tu viens du hood, mais t'es que tu hot. J'fais mes yeux dans l'ombre, le rap c'est dans l'âme. Jamais le Stallone. J'm'en vu sur les gouttes, parle de moi c'est good. En plus le temps c'est cool, et tu me dégoûtes. Plus j'm'en bats les couilles, couilles. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Rien à succès le survêt. Ravita y'en au veto. T'as posé les mouettes. Avec les sous du game. Avec les sous du ghetto, les assis que c'est les survêtes. Ravita.